faut qu'on soit suffisamment dans la vibration, faut qu'on soit suffisamment dans la vibration du mental pour pouvoir absorber l'énergie en dehors de la forme. Exactement. Oui. Oui. Ben oui. Oui. Oui. Je vais te dire quelque chose pour trouver ça, c'est important. C'est plus important pour vous autres d'écouter Tigui parler que moi. Parce que Tigui, quand il parle pas avec la même perfection que moi, mais il parle avec la même intention de l'intelligence que moi. De sorte que c'est plus difficile pour vous autres au niveau de vos égos d'absorber son énergie que moi. De sorte que ça fatigue encore plus votre mental puis votre émotif qu'avec moi. Parce que moi, je vous rends le job bien facile. C'est pour ça que les gens que j'indique dans toutes vous autres, c'est bien important de les écouter parler. Parce que ces gens-là vont vous parler selon leur personne, leur personnalité, leur caractère, leur tempérament, ainsi de suite. Ils n'ont pas ma vibration. Mais la fatigue pesante que ça crée, c'est ça qui vous amène éventuellement à développer ce que j'appelle la spirale de l'intelligence. Regardez ça, vous-là. La spirale de l'intelligence. Puis plus elle est forte, plus elle est grande, puis plus elle a une vaste base, la spirale de l'intelligence, plus ça pointe à raccourci, à raccourci, à raccourci. De sorte qu'éventuellement, tu peux écouter n'importe qui parler, même s'il ne parle pas comme moi, mais il n'y a plus ça. Là. Moi, c'est parce qu'il y a bien ça ici. Là. Mais les autres, il n'y en a plus. Là. Puis là, vous êtes obligés d'absorber seulement de l'énergie. Tandis que moi, quand je parle, c'est pas de l'énergie que vous absorbez. Vous absorbez aussi le plaisir de l'énergie. Comprends-tu? Tandis qu'avec Tigui, t'as pas de plaisir, il prend toutes ses plates en crisse parce qu'il parle mal. Non, laisse-moi expliquer mon point. C'est pas plate pour moi, parce que moi, je suis capable de l'absorber, ça. Mais nous autres, on n'est pas habitués à absorber ça, on est habitués à absorber ça. Puis, c'est plus important pour vous autres d'absorber ça que d'absorber cette pointe-là dans. Parce que ça vous force, vous autres, à développer une patience maudite dans le mental. À détruire la curiosité dans votre corps astral, dans votre mental. Autrement dit, ça vous force. L'écouter parler, lui, là, en public, pas quand vous êtes seul avec lui, c'est un autre. Quand vous êtes seul avec lui, là, il y en a une petite pointe. Et quand en public, comme ça, là, c'est comme manger un biscuit sec. Puis ça, ça crée une sorte de tension dans l'être, là. Puis cette tension-là, elle est une réflexion de... Elle est une réflexion de notre incapacité de le comprendre instantanément dans ce qu'il dit. Au-delà de la forme. Ouais. Ouais. Moi, quand même, qu'il parle bien mal en public, moi, ça change rien parce que quand il me parle, je l'écoute. Puis j'entends rien. Parce que ce qu'il dit, s'il disait quelque chose qui n'était pas correct, c'est par vibration que je le saurais. Fait que quand il n'y a pas de vibration en moi, il parle. Fait que comme j'entends rien, mais ça ne me fatigue pas. Tandis que vous autres, vous entendez quelque chose, ça vous fatigue. Un jour, quand vous en arriverez à ne pas pouvoir l'entendre quand il vous parle, à ce moment-là, vous fonctionnerez par vibration. C'est parce que vous l'entendez quand il vous parle que ça vous fatigue. Si vous ne l'entendiez pas, ça ne vous fatiguerait pas. C'est ça que c'est plus important de parler avec lui qu'avec moi. Je peux avoir un petit peu d'eau. ça nourrissait vos égos, puis ça vous dit que c'est pas utile de vous faire. Je vais vous montrer comment c'est important de dire, parler de l'art quand je parle, mais pas vous intéresser pour m'aider de être dans le gâteau. C'est pas possible. C'est ça, c'est la première idée, c'est de vous faire démontrer à vous-même ou à d'autres, qu'est-ce que ça volait l'histoire au cœur des blancs, des affaires. Ce n'est pas de la merde. C'est quand je suis vrai que tu viens de dire que c'est fatiguant. Mais il y a une catégorie de gens qui parlent dans l'avenir, qui ont besoin de tout ce que tu penses de faire dans l'autre, poser des yeux, et encore, mais j'ai rien de ça. C'est bien plus intéressant de faire parler de ce que tu viens de dire. On n'a pas besoin de savoir ces affaires-là. Parce que c'est un peu comme un gars qui irait jusqu'à l'université puis qui découvrirait toute la science cartésienne, là. Puis qui serait dans son fin fond qu'il n'y a rien, là. Puis qui voudrait voir dans son passé qu'est-ce qu'il étudie. On n'a pas besoin de savoir. De savoir comment fonctionnent les plans. Ce qu'on a besoin de savoir, c'est l'effet de ces constitutions-là sur notre vie à nous autres. Ça, c'est important pour nous. Ce qui est important pour nous autres, c'est la psychologie de l'intelligence. Parce qu'une fois qu'on connaît la psychologie de l'intelligence, ça englobe tout le reste. Si on connaît, si on sait ce que ça fait l'inertie de l'intelligence, automatiquement, le fait de le savoir, ça implique que ça, ça fait ça, puis ça là, nous amène à ça. C'est pour ça que c'est pas l'homme, tant que l'homme étudie l'ésotérisme ou qu'il se penche dans ces questions-là, ça va ouvrir son esprit, mais ça ne le mène nulle part. Ça le mène nulle part. Ça ouvre son esprit, mais ça ne le mène nulle part. Puis la preuve, c'est que tous les gens dans le monde qui ont étudié l'ésotérisme sont encore dans l'ésotérisme. L'homme doit un jour en sortir de l'ésotérisme, puis il va en sortir de l'ésotérisme quand il va rentrer dans la psychologie de l'intelligence. Ça ne veut pas dire qu'il ne sera pas capable de parler d'ésotérisme ou intéressé à en parler de l'ésotérisme dans un... Mais le point ne sera pas là dans son esprit. Tout ce qui va compter pour lui, c'est l'équilibre entre ses principes, pour qu'il soit bien dans sa peau. C'est pour ça que tout revient à l'inertie de l'intelligence, parce que ce sont ces plans-là qui créent ça dans l'homme. Et l'homme en souffre, à tous les niveaux, et à son insu. Puis vous allez voir, des semaines à venir, que vous allez le percevoir, cette affaire-là, cette inertie-là, cette affaire-là qui vous arrête. Vous allez voir comment est-ce que c'est fort. Ceux qui ne l'ont pas réalisé. Bernard, on ne peut pas aller dans les terres sans être conscient. Non. Quand je dors, je rêve, je peux rêver que ça va aller faire, mais je ne vais pas aller faire. Non. Ils peuvent même faire ta croire, ta faire croire à haut-il. Parce que moi, je viens de le dire, moi, je pense que là, c'est tout la terre, c'est rendu dans les terres, parce que c'était trop beau, parce que c'était pas comme j'avais déjà vu, peut-être. Moi, il me semble que c'est impossible, en tout cas, moi, un soir, je l'ai dit à mon ajusteur, amène-moi dans les terres, ça me sent plus d'être dans l'air. Ben, il va le trouver ici à lui, parce que je ne peux pas t'amener là pour ça. Puis c'est pas prêt, c'est pas confiant. C'est ça, ma job, c'est ma confiance. Fait que j'ai décidé de dire que j'avais pas l'écrit, mais... La chose que je veux, c'est bien là-dessus tantôt, parce que... Tu sais, on fait facilement la confusion d'être dans les terres et de se servir de notre corps éthérique. C'est pas pareil. Être dans les terres, aller dans les terres et se servir de notre corps éthérique, c'est pas la même patente. Ça, c'est un autre voile. Ça. Mais moi, vous dites ce qu'ils me disent. Écoutez bien ça. Ils disent, là, pour donner une définition bien courte, là, ils disent que l'éther, c'est un monde parfait, c'est-à-dire que c'est un monde dans lequel vous ne pouvez rien vous imaginer. Vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que ça peut être, l'éther. Il dit, même si vous êtes allé dans l'astral, dans les hauts plans de l'astral, vous ne pouvez pas vous imaginer qu'est-ce que c'est l'éther. Il me dit une autre affaire. Ils disent que l'éther, c'est un monde que l'on construit présentement par notre conscientisation. C'est nous autres qui construisons ça, cet éther-là. Il dit, votre éther est inhabité. Il n'y a personne dedans. C'est vous autres qui allez rentrer dedans. Il dit, l'éther terrestre, c'est l'éther terrestre. L'éther d'une autre planète, c'est l'éther d'une autre planète. Chaque planète a son éther. Vous autres, vous avez votre éther. Puis ceux qui rentrent dans leur éther, ils rentrent dans leur éther. Il n'y a personne qui peut rentrer dans ton éther quand tu es dedans. C'est impossible. Il dit, c'est même plus un problème de vibration dans l'éther, c'est un problème d'énergie. C'est le sens occulte quand Jésus disait, tu vas aller préparer une place. Puis quand l'éther est ajouté à toi, là, il n'y a plus de tête. Tu peux bien avoir fini ton temps dans l'ancien, mais c'est dans la pulsation de l'éther. Mm-hmm. Quand tu dis faire descendre l'énergie sur le plan matériel, c'est que tu vis. En tout cas, moi, je me sens que dans l'éther, je vais rester ici. Bon, ouais. Tu viens de dire quelque chose, là. Y en a-tu qui ont perçu la vibration dans cette affaire-là? Elle vient de dire quelque chose, là. Puis moi, je peux pas l'expliquer, ça. Bon, mais c'est ça, l'éther. OK, là? La vibration, là, qui a passé dans ce qu'elle a commencé à dire, là, bon, mais c'est ça, l'éther. T'as-tu compris ce que tu as dit? Avec un sphère. Mais tu comprends ce que je veux dire, là? Il y avait une vibration, là. Il y avait une vibration, là, quand elle a commencé à dire ça. Mais c'est ça, l'éther. Parce que quand on va dans l'éther, on s'en apercevra peut-être même pas. Et de deux, c'est une zone qui va se créer une autre éther. Hein? Hein? Continue donc. Je vais être amené à être une éponge, parce que je suis passé à la vibration. C'est pas bête, il dit, mais c'est pas fini. Tu sais, quand tu dis faire descendre des conditions de vie, ça fait. Parce que moi, j'aime mieux. Regarde bien. Parce que à chaque fois que tu pars dans l'éther, là, tu sais pas, nous autres, on s'en va tous comme des anges par l'air, là. C'est ça qui est pas correct. C'est ça que je trouvais important tantôt quand tu as parlé de désir intelligent. Tu vois, tu sais, il a passé vite, tantôt. Moi, je dis qu'un homme, quand il a un désir d'intimité, ça l'a à faire, je ne sais pas comment, mais ça l'a à faire au frère. Quand un homme a un désir d'infinité qui est au-delà de son désir astral, il est déjà un peu dans les terres. Ce désir-là, c'est la perception, tu comprends, là, de cet air-là qui s'ajuste. Mais tu sais bien que c'est pas parce qu'on corps de désir qui fait, là. C'est impossible, parce que ça pour toutes les raisons qu'on a expliquées tantôt. Mais c'est impossible que moi, je désire manger du Twin Twin Chain si je sais pas qu'est-ce que c'est du Twin Twin Chain. Tu comprends-tu? Il faut qu'il y ait un désir intelligent qui m'est donné par l'ajusteur de pensée, parce que j'aurais jamais été capable de dire la tête assez haute pour désirer ça. Puis quand j'ai ce désir-là, Là, je fais descendre. Moi, j'aime mieux descendre l'énergie. Ce que je veux dire, c'est que c'est comme une cage d'étape. Et moi, je l'exprimais des mots niaiseux. Puis je fais descendre la cage, puis je me mets dedans. Je suis dans ma cage dorée. Je suis dans mon étape. Puis ce qui fait la force avec laquelle je peux être dans l'étape, c'est la force avec laquelle, est proportionnelle à la force avec laquelle je dis non. Mon âme, parce que c'est avec l'énergie de l'âme que je construis cet état-là, qui est mon corps éthérique. Mais mon corps éthérique, c'est mon habitat dans l'éther. Mais une fois rendu dans l'éther, après, moi, je ne sais plus ce qui se passe là. Je ne suis pas rendu là. Mais comme je ne sais pas ce que c'est, moi, ça ne me fait rien d'être dans mon éther ici, à côté de toi, dans ton éther, à côté d'elle, dans ton éther. Il n'y a plus d'ego, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus de division. C'est ça la différence entre l'éther et le monde matériel. Le monde est supérieur, parce que dans le monde supérieur, il y a toujours de la division. Toujours quelque chose qui nous divise en disant l'éther, il n'y a pas de division. Je ne sais pas comment le dire aujourd'hui. Il n'y a pas de division entre mon désir et moi. Donc, il n'y a pas de division entre l'agisseur et moi. Il n'y a pas de division entre l'intelligence universelle et moi. Il n'y a pas de division entre moi et le restant du cosmos. Tout entier, je deviens de quelque chose dans le cosmos. Autrement, il y a toujours une division. Je ne suis pas avec le... Je ne tourne pas rond avec le cosmos. Je tourne avec la spinette. Tandis que là, je rentre dans l'engrenage cosmique. Puis le premier signe qu'on est capable de vivre dans l'éther, c'est la capacité de vivre d'abord ici sur le plan matériel. Dans ses propres conditions de vie, puis dans son énergie. C'est ça qu'on ne croit pas. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer que c'est possible. Que mon désir intelligent, il doit commencer à être réalisé dans la matière, ici. Sinon, je ne peux pas partir d'ici, parce que je ne suis pas finie, puis dans un an, je finis, je désire. Il faut que je finisse ma désir ici. Puis après ça, il y aura d'autres choses. Mais il faut commencer par ça. Puis les hommes qui ne pourront pas la finir, la désir ici, sinon, hein, ben, ils vont crever. Ils ne peuvent pas rester ici. L'éther commence dans la matière. Oui. L'éther commence dans la matière. Très définitivement. On est dans son éther, dans son type, on est pas ici, on ne peut pas être. L'éther, c'est simplement la brisure du champ magnétique avec la qui nous pogne. C'est les femmes qui nous pognent avec les autres. Tu peux rester sur la planète Terre, dans ton éther, t'es bien. T'es pas dans ton corps éthérique dans ce temps-là, mais t'es bien parce que. Tu n'es plus soumis à la loi planétaire ou à la loi, à toutes ces lois-là. Tu n'as pas de champ magnétique pour préfabriquer. Tu fabriques ton propre champ magnétique. Ben, il faut que tu sois fabriqué ce champ magnétique-là pour que je puisse décoller de ce matériel-là, de ce monde matériel-là pour aller dans l'éther. Il faut que je le fasse. Je peux pas, si je fais que mon champ magnétique n'est pas défait avec les liens avec les autres ou avec les relations émotives ou peu importe. Il faut plus que je sois en contexte. Il faut plus que je fasse partie d'une tapisserie. Il faut que je sois la fleur de tapisserie qui décolle de tapisserie par elle-même. Il faut que je me décolle. Mais c'est ici que je le fais. C'est ça l'explosion. C'est à cause de l'explosion que je suis capable de fabriquer mon champ magnétique à moi, qui fait que je suis pas le lien, que je suis très attaché à lien, que je suis très bien ici, que je suis très lourd, je suis très libre. Je suis un agent libre. Je vais commencer par être libre. Et après ça, on se le d'ailleurs. Très juste. On arrive à l'état de l'esclavage. Oui. Et ça n'est pas un champ magnétique. Parce que tous les champs magnétiques, c'est de la polarité. Quand on va se libérer de champ magnétique, c'est se libérer de la polarité. Alors, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau astral, que ce soit au niveau émotif, que ce soit au niveau physique. Il n'y a plus de polarité, il n'y a plus de lien. Je suis cet homme. Et là, j'ai une identité. C'est juste à partir de ce moment-là que j'ai une identité. Avant, je n'ai pas d'identité. Je me pense quelqu'un par feedback des autres. Toi, tu me trouves fine, tu me montres le 5 qui me trouve fine, ça veut dire que moi, j'ai une identité. C'est comme ça que ça va avec eux. Mais j'ai une identité à partir du moment où l'âme j'ai récupéré l'énergie de mon âme pour me manifester d'abord sur mon plan matériel. Puis après ça, je me manifeste. Je ne sais pas trop ce que je m'en vais, mais là, je fais la pensée de ce que je vais le savoir à mesure. Mais dans l'instant, je me manifeste, puis je me manifeste, puis je me manifeste, puis je me manifeste. Alors, quand l'énergie d'éther, je ne sais pas comment dire ça, l'énergie d'éther, quand il n'y a plus d'obstacle, il y a de l'éther, c'est quand il n'y a plus d'obstacle entre mon matériel, moi énergie et l'énergie universelle. Quand il n'y a plus d'obstacle entre l'énergie universelle et moi, c'est l'éther. C'est mon éther, il n'y a plus rien. C'est rien, ça, l'éther. C'est rien. C'est qu'il n'y a plus rien. C'est ça. Il n'y a plus de couche d'âme. Alors là, je suis là, puis il n'y a plus rien. Je suis ajustée, je suis dans ma, j'ai ma pulsation personnelle, c'est-à-dire personnelle, individuelle, ma pulsation, qui rentre dans un rouage parfait, dans une harmonie parfaite avec la pulsation de comment ça marche le reste de l'univers. Alors, je suis impersonnelle. Je suis impersonnelle parce que je suis plus divisable. Je me manifeste. Une étoile, c'est pourquoi s'empêcher de se manifester. Ça ne me sauvegarde pas dans le miroir si je me manifeste. Ça veut dire qu'il n'y a plus de périsprit, ça veut dire qu'il n'y a plus d'obstacle, qu'il n'y a plus rien. Je suis dans l'intelligence, puis je suis intelligente me manifestant. Puis le me manifestant, c'est ça la vraie. Il n'y a plus rien qui m'empêche d'être. Oh, qui attend bien ma On est à la fois ici dans l'éther en même temps, mais on n'a pas la conscience éthérique. On a une la conscience matérielle parce que nos corps subtils sont trop denses. Quand nos corps subtils auront perdu leur densité, à ce moment-là, on sera dans l'éther parce qu'on verra dans l'éther. Quand tu vois dans l'éther, t'es dedans. Tu peux être ici en même temps ou tu peux être là, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux laisser ton corps physique, tu le laisses, puis tu restes un là. Ça dépend toujours de ton niveau de conscience. Ça dépend de ton niveau de conscience. Être dans l'éther, ça implique pas nécessairement que tu laisses ton corps physique. L'éther peut être un monde dans lequel tu vois avec tes yeux. Puis l'éther, ça peut être un monde dans lequel tu n'as plus de corps physique, tu es totalement dans ce monde-là. Pour des raisons spécifiques, selon ton travail, selon ce que tu as à faire. Mais tout revient au principe que plus nos corps subtils perdent de leur densité, plus on est dans l'éther. Et pour diminuer la densité de nos corps subtils, il faut détruire l'inertie de l'intelligence. L'inertie de l'intelligence qu'on connaît tous les jours de notre vie, qui est créée par notre conditionnement émotionnel, qui est créée par notre conditionnement intellectuel. C'est ça qu'elle a dit. Elle dit qu'il faut se manifester tout le temps. Ça, c'est très vrai. Faut se manifester tout le temps. Alors, si moindrement tu arrives face à face avec l'inertie de l'intelligence, tu ne te manifestes pas. Fait que tu retardes ta pénétration dans l'éther. Faut que l'homme puisse se manifester tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire que tu peux pas être soumis. Parce que se manifester, ça veut dire ne pas être soumis. Pas être soumis. Soumis au point où ta vie est affectée. Tu peux être soumis dans un plan relationnel, comme l'homme vis-à-vis de la société, ainsi de suite. Si tu prends un avion, tu t'en vas à New York, mais tu es soumis à des conditions sociales, des conditions de trajet. Mais au moins, tu bénéficies du voyage. Il n'y a pas de soumission. Mais quand tu es soumis à une condition sociale, à une condition psychologique, quand tu es soumis, tu es à l'intérieur de cette barrière-là qui est l'inertie des gens. Là, tu peux pas être bien dans ta peau. Parce que tu fais un compromis. Il y a des compromis que tu fais parce que c'est normal. Il y a des compromis que tu fais. Mais tu perds rien. Il y a des compromis que tu fais où tu perds quelque chose. Et l'homme ne doit pas perdre rien. Tu peux en faire des compromis dans la vie, c'est normal. Mais ce sont des compromis où tu ne perds pas rien. Mais c'est les compromis au niveau de ton esprit qui sont dangereux. Les compromis au niveau de ton esprit et ton émotivité, ça c'est dangereux. Les compromis au niveau matériel, ça c'est pas grave. Si t'es moindrement intelligent, tu vas au-delà de ces compromis-là. Mais c'est toutes les compromis qui sont au niveau de ton émotif et de ton mental inférieur, ça c'est dangereux. Parce que c'est ça qui t'enlève ta force. C'est ça qui t'enlève le pouvoir de détruire l'inertie, l'intelligence. C'est ça qui te rend esclave de tous ces plans invisibles-là, ce monde. Dans ce temps-là, tu agis dans l'instant. Faut pas réfléchir avant de poser. Quand tu es l'intelligence, tu n'as pas besoin de réfléchir, tu attends que ça passe. Mais il y a tellement de détails dans ça, à l'intérieur de ça. Des fois, tu dis quelque chose, c'est pas ça que tu veux dire. Si tu dis au monde, mais t'as pas besoin de réfléchir, les gens vont commencer à agir, bababababam, puis ils font des erreurs parce qu'ils n'ont pas de discernement. Tu peux te permettre de plus réfléchir quand tu as du discernement. Moi, j'ai pas besoin de réfléchir, je suis dans le discernement. Vous voulez réfléchir. Mais tant que t'es pas dans le discernement, faut que tu réfléchisses, faut que tu prennes une saisie, tes affaires. C'est des gars. Faut réfléchir. Il y en a, la plupart dans vous autres, faut que vous réfléchissiez quand vous faites des mouvements. Mais un jour, vous êtes tellement dans cette énergie-là, vous n'avez plus besoin de réfléchir, parce que déjà, vous allez avoir détruit l'inertie des gens. Quand tu n'as plus d'inertie dans ton intelligence, tu n'as plus besoin de réfléchir. Ce qui fait qu'il faut que vous réfléchissiez aujourd'hui, c'est parce que vous avez encore d'inertie dans votre intelligence. Ça vous amène à développer éventuellement du discernement. Sans ça, vous allez faire des gaffes.